me direz ce que vous pensez de ces deux Java, quand vous les aurez dansés, bien sûr. Thank you. On se croirait sur le plancher des vaches, comme on disait autrefois, avec ces enchaînements deux par deux. Là, en l'occurrence, samba et un genre de bourré valse. Sur une musique cha-cha-cha. Thank you. Je vous l'accorde, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de tout enchaîner. Mais bon, vous savez, hein, vous le savez, ça. Vous le savez, ça. Oui, vous le savez. Vous êtes là pour ça. Donc, on va pas se plaindre. Vous savez, la musique adoucit les mœurs. Alors, J, on y va? Comme Java. Thank you. Nous sommes sur le 91, sur le 102.5 de Sorgia FM, votre radio locale, et nous allons partir dans un galop effréné et nous retrouverons quelque chose de bien plus doux. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Allez, petite marche suivie d'une valse, tout ça pour notre plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Un, deux, trois, valse, quand vous nous tenez. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Je ne vous dis que ça. Deux tangos, voilà de quoi passer un moment unique, ensemble, parce que ensemble, on est bien. Donc, on y va. Thank you. Ah, je vous avais pas menti, hein. Ah non, je vous avais pas menti. Superbe tango, bien sûr. Bon, allez, on va finir sur une bonne note, cette émission Musette. Deux Musettes, pardon, en espérant que celle-ci vous ait plu et que vous reviendrez à l'écoute sur le 91 et sur le 102.5. Sorgé FM, c'est la radio la plus proche de chez vous, votre radio locale.

pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde jusqu'au bout d'elle-même, vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. De sa patience vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être, et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous pose vous porte sur ses épaules, comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force, recouvre son écorce pour plaies les plus profondes, pour plaies les plus profondes. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde. Et jusqu'au bout d'elle-même, vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde. Et jusqu'au bout de soi lui donne tout ce qu'elle a, chaque pas, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde. Le jardin de mon cœur ne peut être chanté que par Frank Michael, pardon, j'en suis ému. Et puis, Frank sera suivi par Hugo Frey avec Hasta luego. Quoi que je fasse, rien ne me fait oublier. Les jours qui passent n'ont jamais su t'effacer. Et ta présence flotte encore comme un parfum. Et chaque chose ici garde un souvenir de nos jours et de nos nuits. De tous nos je t'aime. Au jardin de mon cœur, tu étais la rose, la femme et l'amour. La plus belle des fleurs qu'on puisse rêver, qui ait vu le jour. Toi, gentil jardinier, si tu vois des larmes dans ses yeux d'or, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime encore. L'oiseau s'envole et ne sait quand reviendra.

Petit tour à Vérone, bien que, avec Isabelle Aubray et les Amants de Vérone. Et puis, on prendra son temps de vivre avec Sacha Distel. Vérone, qu'as-tu fait des deux amants si beaux qui s'appelaient, je crois, Juliette et Roméo? Les amants de Vérone sont à jamais couchés. Est-ce donc pour mourir qu'ils se sont tant aimés? Plus de baisers donnés, plus de corps de balcon. Le temps qui brise tout n'a laissé que de noms. L'alouette qui chante pour annoncer le jour ne fera plus s'enfuir l'amoureux et l'amour. Je crois Juliette et Roméo. Les amants de Vérone n'iront plus au jardin. L'iris bleu de la nuit peut refleurir en vain. Si parfois de colombes inclinent un peu le cou, c'est que le vent murmure quelque chose de fou. Mais leurs cœurs apaisés ne craignent plus l'aurore, et dans leurs mains trouées la rose brûle encore. Vérone, qu'as-tu fait des deux amants si beaux qui s'appelaient, je crois, Juliette et Roméo? Aujourd'hui à Vérone, on achète des fleurs. La pierre s'est usée au pas des voyageurs. Les nuits qui passaient vite quand l'amour était là sont redevenues lentes et n'en finissent pas. Mais qui ne choisirait le destin des amants qui s'aimèrent d'amour à Vérone et pourtant? Vérone, qu'as-tu fait de ces deux amants-là qui s'appelaient Juliette et Roméo? Je crois. Qu'il faut pour vivre. Je prends tout le temps de m'arrêter pour prendre le vent. Et tant pis si je perds du temps, c'est bon d'oublier le temps. Tant pis, c'est trop joli la vie. Je prends le temps de vivre. Le temps qu'il faut pour vivre. Tant pis si le temps c'est de l'argent, je prends tout en temps. Et tant pis si je perds du temps, c'est bon d'oublier le temps. Tant pis, c'est trop joli la vie. Je prends le temps de rêver. Prends le temps temps qu'il faut pour vivre. Tant pis pour le temps perdu qui ne revient plus. J'aime écouter passer le temps, écouter vivre le temps. Tant pis, c'est trop joli la vie. Je prends le temps de rêver. Je prends le temps d'exister. Je prends le temps de vivre, le temps qu'il faut pour vivre. Je prends tout le temps de m'arrêter pour prendre le vent. Et tant pis si je perds du temps, c'est bon d'oublier le temps, tant pis. C'est trop joli la vie. Je prends le temps de vivre. Oh, je prends le temps de vivre. Comme Jean-Jacques Goldman, eh bien, je marche seul. Comme un bateau dérive Pas toujours facile la vie. Parfois elle chante, parfois elle pleure. Jo Dassin nous le chante. Ah, c'est le temps du chiffon rouge de Michel Fugain. Et Léo Ferré, lui, nous interprète cet extra. Change et que ça bouge, lève-toi car il change et que ça bouge. Lève-toi, car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère. Tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Du chien sans le faire exprès, et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait. Fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra. C'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Robe de cuir, comme un oubli, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra. Eddie Mitchell nous interdit le boogie-boogie. Mais Paul Severs, lui, retrouve ton parfum sur l'oreiller. Maintenant, la maintenant, avant que ma père tourne le nom. Ah, boogie, boogie, avant vos prières du soir. Ah, boogie, boogie, avant de faire vos prières du soir. Boogie, boogie, avant vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, donc invoquez pas vos prières éternelles. Ne fais pas de boogie woogie, puisque je vous le dis que c'est un allure. Ne fais pas de boogie woogie, même le vendredi soir à l'Olympia avant minuit. On ne fait pas de boogie woogie, pas de boogie, pas de boogie, pas de boogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Parle tous les deux. Je crois qu'on a des choses à se dire. Pourquoi cette larme dans tes yeux? Qu'allons-nous devenir? Je vois bien que tu n'es plus la même. Je sens bien que tu voudrais partir. Et depuis qu'un autre t'a dit je t'aime, moi ça me fait souffrir. Il reste ton parfum sur l'oreiller et je réapprends à vivre sans toi. Le souvenir de notre amour passé me fait mal quand tu n'es pas là. Il reste ton parfum sur l'oreiller, mais il n'y a plus personne à côté de moi. Tu me manques si souvent, je suis seul à présent. Je t'en prie, reviens-moi. Pourtant tu m'avais promis cent fois que tu n'aimerais jamais que moi. Avec toi je croyais tant au bonheur. Tu as brisé mon cœur. Dis-moi ce que j'ai pu faire de mal pour que notre histoire devienne banale. Tous ces beaux rêves que l'on a partagés sont partis en fumée. Il reste ton parfum sur l'oreiller et je réapprends à vivre sans toi. Le souvenir de notre amour passé me fait mal quand tu n'es pas là. Il reste ton parfum sur l'oreiller, mais il n'y a plus personne à côté de moi. Tu me manques si souvent, je suis seul à présent. Je t'en prie, reviens-moi. Je suis seul à présent, je t'en prie, reviens-moi. La femme grillagée est chantée par Pierre Perret. Et puis Serge Lama, lui, nous interprète « D'où qu'on parte ». Et

grâce ni rotondité. Ta maraboumdié, ta maraboumdié, chahuté, chahuté, là ça convient, porté. Enfin ça y est maintenant, et vous devinez à mon sourire que je suis la femme d'un homme charmant, épris de mes charmes subitement. Plus que moi du chahut, il raffole, et le soir avant de nous endormir, lui comme un fou, moi comme une folle, on se pince pour se dégourdir. C'est bon en vérité, ta maraboumdié, ta maraboumdié, mais la vraie charité, y'a que ça pour bien se porter. Ta maraboumdié, ta maraboumdié, la la la la la la, la la la la la la, ta maraboumdié, ta maraboumdié. Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Finalement, puisque l'amour ne meurt jamais, je vous offre cette chanson et c'est fini pour aujourd'hui. Plus beau rêve se casse, Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Rendez-vous dimanche prochain, mais n'oubliez pas, mardi, c'est la rediffusion de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt.